En 35 ans de carrière, il a toujours suivi les règles. Toute ma vie, j'ai eu pour ambition d'être une personne honnête. Mais pour sa dernière nuit en service, sa vie entière va basculer. Dernière nuit à Milan. Après Le Traître, Pierre Francesco Favino revient dans un thriller haletant. Présenté au dernier festival de Berlin. Dernière nuit à Milan, le 7 juin au cinéma. LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Ça dépend des jours, mais des fois c'est il y a pas mal de circulation, du coup c'est un peu. Il y a quoi qui passe ? Des tracteurs un peu, et puis sinon des camions avec l'autoroute, et puis des voitures aussi. On va passer devant la DAF un peu plus loin. C'est quoi, c'est des marches de tracteurs ? Ouais, c'est ça. C'est un concessionnaire. Comme si c'était automobile, mais là c'est agricole. Le complexe rural. Un documentaire de Pauline Mocor, réalisé par Gaël Gillon. Premier épisode, grandir à la ferme. Il est au lycée. Bah oui, il est au lycée, mais tu le connais. Un peu. Ok. Bah du coup, le lycée, il se situe dans Venoy. Donc juste à côté de Nangy et de Ken. C'est un lycée agricole. Ça va nous permettre de décrocher le diplôme pour pouvoir soit devenir salarié agricole ou s'installer sur une ferme. Mais bon, c'est pas ça qui va tout faire, parce que c'est pas grâce à ça qu'on va pouvoir arriver un jour dans une ferme et tout connaître sur tout. Parce que faut savoir que le métier d'agriculteur, c'est un métier où en fait tout change, aucune ferme est pareille, enfin tout change, et même les méthodes de production. Quand on regarde avant, toutes les vaches étaient dehors quasiment toute l'année, alors que maintenant c'est plus du tout la même façon de produire. Enfin c'est plus, pour certains, un système beaucoup plus productif, et d'autres qui restent à la, entre guillemets, l'ancienne façon. Enfin voilà quoi, ça a tout changé. Lycée agricole de la Brosse, près d'Auxerre, à 2 heures de Paris. C'est mercredi après-midi, alors les internes en profitent pour prendre la clé des champs et faire le plein de chips et boissons au bar tabac supérette du village d'à côté. Pour ça, ils doivent traverser la Nationale 65, bifurquer sous le pont de l'échangeur et longer l'autoroute A6, passer devant le concessionnaire de tracteurs et marcher encore. Ce jour-là, il fait gris, mais ça ne décourage pas Louis, Émilien, Dorian et Antoine d'aller admirer la rutilance des moteurs, tâter l'épaisseur des roues et comparer les couleurs. Plus tard, ils sont rejoints par Grégoire, Timéo et Gabin. Ils sont en seconde pro production et ils viennent de tout le département de l'Yonne pour suivre la formation qui leur permettra de reprendre l'exploitation familiale. Bonjour, Grégoire Laurent. Alors, je suis de Puisé. Voilà, je suis en seconde au lycée La Brosse, seconde pro. La patelaine à sec et le hameau La Breuille. Avec mes parents, on a fait construire une maison à côté de la ferme. Mon frère, il travaille en mécanicien agricole chez Manitou. Et ma sœur, elle est assureuse chez AXA. Mon père, il est agriculteur, éleveur laitier. Et ma mère est cuisinière en EHPAD. Et l'exploitation, tu peux nous en parler ? Une exploitation laitière avec 60 vaches laitières, puis 100 hectares de culture. On cultive du blé, de l'orge, puis un peu de mésirin, du colza. Et ton père, il travaille tout seul ou il a des ouvriers ? Toi, comment ça s'organise le travail ? Ben, il est tout seul. Il y a mon grand-père qui l'aide, et puis mon frère, et puis moi le week-end. On travaille à peu près minimum 10 heures par jour. le matin, on commence à 6h, de 6h à midi, ouais. Puis après, l'après-midi, ça dépend des saisons. Soit l'après-midi, sinon on commence à 14h, puis on finit à 20h. Ou alors l'été, du fond, on s'arrête pas. On commence à 6h le matin, puis on arrête à 22h le soir. Bon, ça dépend, ça arrive, des fois 1h du matin, ou 3h si on presse de la paille. Ou... Ça dépend des jours. Et ça te plaît ? Oui, moi ça me plaît, c'est une passion après. On a ça dans le sang, on aime bien, on... c'est notre vie quoi. Moi je pourrais pas me passer d'être avec les vaches ou quoi que ce soit. C'est une passion, on a une... l'amour du métier. J'aimerais pas être passer du temps sans mes vaches. Bon, après la semaine ça va, mais le vendredi soir je suis content de, ben, de retourner aux vaches quoi. Voir les vaches, ça me manque sinon. Si je vais pas le week-end, c'est, ça me manque. C'est un rituel, le vendredi, je rentre. Dès que je rentre, je vais voir les vaches. Tu fais quoi? Bah, souvent, je rentre, il est 16h, 16h30, donc on commence à se préparer pour la traite du soir. On les mousse déjà, pour désinfecter les mamelles, après on les lave. Puis après, on branche une griffe pour extraire le lait des mamelles des vaches. Ben le geste entre la vache et l'homme, c'est la passion. C'est, je sais pas, c'est un ressenti qui est entre la vache et moi, quoi. C'est, je sais pas, c'est le moment que je préfère dans la journée, oui. Ben, je préfère être avec une vache qu'avec des humains, presque. Je sais pas, c'est un regard entre moi et l'animal. J'aime bien ce regard-là, quoi. J'aime bien être avec les vaches. Entre moi et les vaches, je sais pas, il se passe quelque chose, mais j'aime bien être avec elles. Ça te procure quel sentiment ? Sentiment d'amour. Presque. Oui, c'est ça, un sentiment d'amour. Je pense que les deux sont au même niveau. C'est ma vie, c'est... Je suis né dedans, alors... Je pourrais pas faire autre chose. Lui non plus n'aimait pas l'école. Il s'ennuyait, il regardait par la fenêtre à longueur de journée. Il voyait les prés, les bois, les vaches de son père et celles des autres paysans. Il ne comprenait pas bien pourquoi il fallait rester assis, là, à répéter des leçons au lieu de galoper dehors. Il n'a pas eu son certificat, il s'en ficha à l'époque, maintenant il regrette parce que l'instruction qu'il n'a pas lui manque. Même pour les affaires de la ferme, et aussi parce qu'il avait déçu la tante Jeanne, qui ne méritait pas ça. Il avait toujours aimé le travail de la ferme et les bêtes, surtout les vaches. Il disait qu'il avait la vache et le métier de paysan dans le sang, comme son père et son grand-père avant lui. Les sources, Marie-Hélène Lafont. C'est pas nous, c'est... Ouais, voilà. C'est, je sais pas, ouais, ça nous ressort. Bah, c'est que même si on n'aime pas ça, on n'est pas obligé de le faire, parce que on pourra rien faire, on pourra pas prendre la ferme familiale, on pourra... Voilà. Moi je sais que pareil, là, il dit qu'il a déçu la tante Jeanne. Ben, si j'avais pas ça, ben, il y aurait plein de gens de ma famille qui seraient déçus. Ben, puis c'est normal. Parce que voilà. C'est un peu nous, ça flotte un peu nous. Mais bon, c'est. Là, avant c'était plus compliqué au collège, tout ça, parce que c'était général. Mais là, on sait qu'il y a plus que 5 ans maximum à faire, normalement. Et c'est bon. Si on assis sur une chaise, à force, pas. Aïe. Oui. Ça endort. Puis, on préfère être à la ferme, bouger, être dehors, quoi. Bah, il y a des cours, bah, on va pas faire grand-chose, ou pour nous, ça va pas être... Bah, ça va pas servir à grand-chose. Bah, ça va pas nous plaire, on va se sentir inutile dans ce qu'on fait. Et puis, vu qu'on est tous des bosseurs et tout... On n'aime pas passer notre temps à rien faire, quoi. Et du coup, on se distrait, et puis Des fois, ça part un peu en cacahuète. Mais bon, après, c'est comme ça, on est tout. On est du même monde, et puis voilà, on est des bons copains, on rigole bien, quoi. En fait, les profs de matière générale, eh ben, ils disent, ouais, ils pensent que tracteur, donc c'est pour ça qu'ils aiment que les matières où ça parle de tracteur, mais ils cherchent pas à nous comprendre. Alors que, bah, je pense qu'ils comprennent pas notre passion. Ils peuvent pas comprendre que nous, il y a, y a pas que le tracteur, mais tout ce qui tourne autour du tracteur et de l'agriculture. Voilà, enfin, c'est quelque chose qui nous plaît. Il y en a quelques-uns, parfois, ils donnent les moyens d'essayer de nous comprendre un petit peu. Bah, genre, quand je vois la prof de maths qui dit « Oui, bah, tiens, je vais essayer de faire un tour de tracteur ou je sais pas, un tour de simulateur. Je sais pas, des trucs comme ça, bah, on est content, mais vas-y, c'est bien. » T'apprécies quand quelqu'un qui est pas de ton monde, il essaye de comprendre ton monde? Ah, c'est bien pour lui. Ça peut l'arranger. C'est bien. Ça peut nous arranger aussi, c'est encore mieux. Oui, mais attends, on passe par la route. Bah, non, pour moi, c'est, je vais le dire, c'est SV Pro, mon meilleur concessionnaire. Bah, ils sont fiables. Puis après, c'est une marque que je connais depuis que je suis tout petit. J'ai été bercé là-dedans, dans les jeunes dire. Bah, moi, ma marque préférée, c'est jeunes dire. Bah, moi, j'ai tracteur 2, c'est moi. Bah, c'est mon père. Il aime bien ces tracteurs-là parce que bah, ils sont simples, faciles à utiliser, ils sont fiables. Et puis c'est ce qui correspond à notre exploitation. Mais nous on a un tracteur un peu spécial parce qu'il est tout noir. C'est pour un peu se démarquer des autres. Et puis bon, voilà. Enfin, c'est en lycée agricole, dans les formations agricoles, c'est tout ça qui nous rassemble en gros. Enfin, c'est le tracteur. Et qu'est-ce que ça vous fait, cet amour là du tracteur? Bah, on a grandi avec. On baigne dans ça depuis tout petit. On va faire notre vie dedans. On a ça dans le sang. Ouais, voilà. La passion avant tout. Mais des fois, vous vous disputez parce que vous n'êtes pas d'accord sur la marque du tracteur ou... Ah bah aïe. Ah bah ça, c'est tout le temps. Ça, c'est tout le temps. Bah, racontez-moi. Les tracteurs, je dirais, ils sont plus performants que d'autres. Et un peu, bah, le gabarit. Le confort. Derrière, vous pouvez... Bah, venez. Là, regarde. Là, tu peux trouver un déchaumeur à dents. En 5 mètres, je pense, en orf. Non, 6 mètres. 6 mètres, si tu le dis. Et puis là, après, il y a une moisse batte. Mais on ne demande pas trop. Et puis une barre de coupe, une benne, voilà. Et là, par exemple, sur chaque tracteur, il y a le gabarit des pneus qu'on peut prendre plus ou moins gros en fonction de ce qu'on va faire avec. Plus on prend un pneu gros, plus la surface au sol, moins il tasse. Mais après, c'est peut-être des inconvénients dans les petits travaux. Par exemple, pour mettre de l'engrais, on a besoin d'un tracteur qui a des pneus étroits, sinon elle écrase trop de culture. Et pour déchaumer, bah, on s'en fout un peu ce qu'elle écrase, du coup on prend des gros pneus. Depuis tout petit, pour moi, les moissons, c'est la chose à pas louper, quoi. Enfin, c'est le bon moment de l'été. L'été dernier, en 2022, bah, on a commencé ça fin juin, donc c'était un peu tôt à cause des grosses chaleurs qu'il y a eu au dernier moment. Donc on avait presque 150 hectares en tout à moissonner. Donc bah, moi, mon rôle pendant les moissons, bah, c'est souvent de m'occuper de la paille. Pendant que mon cousin il presse la paille, et ben moi je fais une meule de paille au bout du champ pour que mon père, et ben après, il puisse la ramasser et que il est pas, enfin, ça lui fasse gagner du temps. C'est assez chargé parce qu'il y a les vaches en plus, donc ils vont faire du 7h30-8h jusqu'à, ça peut aller jusqu'à 3h du matin. Et dans les grosses périodes où c'est assez stressant, parce que s'il y a de la pluie et qu'on doit se dépêcher, c'est déjà arrivé qu'on soit monté à 4h du matin. Moi, j'aime bien ça parce que c'est de nuit, c'est l'ambiance, je vais me sentir bien, quoi. Je me sens bien parce que on me confie une tâche et c'est, bah, seul à moi de le faire. Ça veut dire qu'on me fait confiance. Enfin, je me dis que je sers pas à rien, quoi. Moi, mon but, c'est de faire des choses, quoi, et de servir à quelque chose. Enfin, je veux pas Je veux pas venir et rester planté dans le coin de la cour ou à côté de mon père ou de mes cousins, quoi. Je veux servir à quelque chose. Pourquoi c'est important de servir à quelque chose? Bah parce que on n'est pas né pour rien foutre, quoi. Enfin, moi ça m'énerve les gens qui foutent rien, parce que ça peut paraître bizarre, mais on est né, faut tout ce qu'on donne chacun de soi-même pour apporter un peu dans le monde, quoi. Et donc pour moi c'est important de bosser et pas rester à rien faire, parce que si on reste à rien faire, on apprend rien, enfin on sert à rien, quoi. Après je fais pas une généralité, parce qu'il y a des chômeurs oui, qui sont en difficulté, qui galèrent à trouver du boulot, mais au moins qui cherchent du boulot, parce qu'il y en a qui se donnent pas pour trouver un travail. Enfin, ils gagnent plus que des gens qui travaillent alors qu'ils restent cloîtrés dans leur lit à rien faire, quoi. Les agriculteurs qui ont du mal, les exploitations qui ont du mal, il y en a certains, ils se dégagent même pas de salaire. Et moi, je trouve ça dégueulasse qu'il n'y ait même pas des aides pour eux. Parce que ils vont travailler plus de... Certains dans les élevages, ils vont travailler presque 80 heures par semaine. Ils vont tout donner par passion. Et ils vont même pas être récompensés pour ça. J'ai appris il y a un peu moins d'un mois qu'il y avait un agriculteur pas loin de chez moi qui s'est suicidé. Donc moi, je trouve ça con. Par exemple, il y a la moitié des agriculteurs qui n'arrivent pas à se tirer de salaire. C'est honteux. C'est... Il y a un agriculteur sur 5 qui vit sous le seuil de pauvreté. Donc bon, c'est quand même beaucoup. C'est honteux. Honteux. C'est pas normal. Il y a un agriculteur ou deux par jour qui se donne la mort. Parce que parce qu'il peut plus vivre, parce que il se donne la mort, parce qu'il veut pas voir ses animaux partir, hein, parce qu'il veut pas voir. Il est un agriculteur, il a honte. Il a honte de pas pouvoir vivre de son métier, en fait. Ça lui donne la honte. Il fait tout ce qu'il peut et finalement il arrive même pas à se dégager de salaire, à faire vivre lui, sa famille, ses animaux. La plupart des gens, ils savent pas ce qu'on fait, ils savent pas ce qu'on endure, ils savent pas. Des fois, quand on est en tracteur sur la route, par exemple, ils sont là à râler parce qu'on avance pas plus vite qu'eux, quoi. Ils râlent, machin, puis après, ils vont nous insulter, machin. Ça m'est déjà arrivé on est en tracteur, on est soit en pleine moisson ou quoi, c'est déjà arrivé. La voiture, il grille les priorités ou quoi. Mais en fait, il t'insulte presque, il te fait des doigts d'honneur ou quoi que ce soit. Mais ils se rendent pas compte, je pense, que c'est nous qu'on les nourrit tous les jours. Et ça, je pense qu'ils s'en rendent pas compte. C'est embêtant pour nous parce que on bosse, quoi. Aïe. On prend très mal ce qu'ils disent. Limite, on... Ils mourraient de faim, ils mangeraient n'importe quoi. Mais voilà. Si on serait point là, il n'y aurait pas grand-chose à manger dans l'assiette. Si tous les agriculteurs arrêteraient de travailler, là, il n'y aurait plus de vie. Ou à moins que tout le monde ressorte le petit jardin, la petite pioche, et puis on s'amuse à planter les radis. Sans causer de ça, parce qu'après... Mais, ça va casser. Oui, je pense. Mais... Ouais, je parlais des véganes. Les végétariens, quoi. Les gens comme ça, c'est pas que ça me dérange. Les végétariens, les véganes. Ils mangent ce qu'ils veulent. C'est ceux qui viennent, mettons, on a déjà vu ça, dans les fermes, qui détruisent tout. Ça, c'est pas normal, ils détruisent déjà le métier des gens, et le métier, et la vie, quoi. Parce qu'il y a plein de paysans qui sont passionnés par leur boulot, ils... Si leurs vaches ne mangent pas, ils vont pas les manger sans que leurs vaches mangent pas. C'est leur vie. L'éleveur qui fait tout pour ses bêtes et dire comme ça qu'ils font mal, c'est atroce, quoi. Et après, ça fait même peur parce qu'on sait que on est tranquillement chez soi en train de dormir ou faire quoi que ce soit. Et que, ben, on sait même pas ce qui se passe chez nous, quoi, en propriété privée, on peut pas savoir ce qui se passe. Ils rentrent dans la ferme en pleine nuit, ils cassent tout parce que ils disent qu'on est des pollueurs, des terroristes, tout ce qu'on veut. Parce qu'on, ben, on élève des vaches, quoi. Moi, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Faut qu'ils arrêtent de critiquer sans savoir les méthodes de production. Voilà. En fait, ils sont trop enfermés dans leur petit appart de 30 mètres carrés, alors qu'ils connaissent rien à ce qu'on fait. Ok, certes, le modèle français de l'agriculture, il n'y a pas tout qui est parfait. Ça sera jamais parfait. Mais ils peuvent pas se permettre de juger comme ça, sans savoir les méthodes de production. Même s'il peut y avoir même beaucoup de choses à revoir, mais il y a des choses qui sont dites qui sont pas vraies. Et malheureusement, beaucoup de gens le croient. Je ne veux pas faire de généralité, mais souvent les gens qui sont désinformés, c'est les gens qui viennent de la ville, parce qu'ils sont pas... Après, c'est pas forcément de leur faute, parce qu'ils sont pas au contact des agriculteurs. Mais bon, mais il y a des associations, par exemple, je pense à L214, où par exemple, ils ont ouvert un poulailler, donc bah, avec des poulets, pour la viande. Et ils les ont tous libérés dans la nature, parce qu'ils pensaient faire bien, tout rose, machin... Alors qu'au final, eh ben, tous les poulets sont morts au bout d'un jour, parce que vu qu'ils n'avaient pas l'habitude d'être élevés sauvagement, eh ben, du coup, ils sont morts parce qu'ils n'avaient plus à manger. Ils agissent sans réfléchir aux conséquences, sans vraiment réfléchir, et c'est là que ça nous prouve qu'ils ne sont même pas informés sur le monde agricole. Il y en a, ils croient savoir tout, mais finalement, on sait que nous, éleveurs, on sait que c'est eux qui ont tort, quoi. Ils connaissent pas le boulot. Ils savent pas ce que ça va engendrer par la suite, quoi. La campagne, on est mal vu aussi dans le loisir de la pêche et de la chasse. Je pense que les villes ont beaucoup mis le point dessus ces dernières années avec les incidents de chasse qu'il y a eu. Mais je pense que si on regarde les chiffres et tout, je pense qu'il y a plus de morts en trottinette qu'à la chasse ou à la pêche. Et par exemple, le loisir de la chasse, il est drôlement médiatisé ces derniers temps. Certes, on doit partager la nature avec les promeneurs, ça on le sait. Mais après, les chasseurs, ils payent pour chasser. Ils payent les bois et des fois, c'est des bois privés. Et les promeneurs, ils sont dedans alors qu'ils n'ont pas le droit d'y être. Et les promeneurs, des fois, ils ne le comprennent pas. Ils pensent que la nature, elle leur est due et qu'ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Mais alors que non. Mais ceux qui détestent la chasse, qui veulent arrêter ça, ils ont oublié que c'est indispensable, quoi, dans la vie de la nature, la chasse. Jean-Vincent Olindre est politologue et vit à Auxerre depuis une quinzaine d'années. À chaque élection, il observe et commente les résultats dans l'Yonne pour la radio France Bleu Auxerre. Oui, on voit bien qu'il y a un fossé de plus en plus grand entre les différentes strates de la population. C'est vrai que la montée en puissance de la revendication écologique et une certaine écologie radicale qui va s'exprimer à travers des mouvements sociaux radicaux, ça va avoir un effet, par exemple, on l'a vu au moment des débats sur la Convention citoyenne pour le climat, où justement les agriculteurs proches des milieux chasse se sont vivement opposés à ces nouvelles organisations qui ont intégré la Convention citoyenne pour le climat ou qui ont intégré le Conseil économique, social et environnemental. Quand le Conseil économique et social est devenu le Conseil économique, social et environnemental, il y a des nouvelles organisations qui ont intégré cette troisième chambre. Et là, on a vu le choc des cultures, en quelque sorte, qui s'exprime dans cette assemblée, à laquelle d'ailleurs on ne prête pas suffisamment attention. Il faut quand même savoir qu'en France, on a l'Assemblée nationale, le Sénat et le CESE. Et le CESE, bon, il n'a aucun pouvoir consultatif, mais en réalité, on voit bien que beaucoup de choses s'y jouent sur les questions que vous évoquez, les questions environnementales, les questions agricoles. En réalité, les vrais sujets sont discutés là-bas. Et on voit qu'il y a clairement un choc des cultures entre une France rurale qui chasse et qui a le sentiment que la véritable écologie, c'est elle qui la défend, et de l'autre, des militants écologistes qui ont une vision plus ambitieuse et plus idéologisée, qui en même temps est un peu éloignée de ces préoccupations des jeunes chasseurs ou des jeunes paysans dont vous parlez. Et là, aujourd'hui, il y a clairement un choc des cultures et même une opposition des jeunesses, hein, là aussi. C'est-à-dire qu'on sait que la France, aujourd'hui, est un pays fragmenté, un pays clivé, hein, clairement, avec des difficiles coexistences, une difficile cohabitation des différentes cultures ou des différentes communautés qui peuvent exister. Et bien ça, c'est un type d'affrontement qu'on peut observer aujourd'hui entre ces deux visions de l'écologie. Une vision qu'on pourrait qualifier de traditionnelle, rurale, une espèce de bon sens paysan, et puis de l'autre, une autre société qui se fonderait sur la décroissance, qui se fonderait sur une agriculture beaucoup plus... la permaculture, enfin des modes de vie qui sont loin en réalité de ceux des jeunes paysans de Lyon, hein, qui sont la plupart du temps affiliés à la FNSEA, qui ne sont pas nécessairement insensibles à l'environnement, qui ont plutôt une sensibilité conservatrice ou de droite et qui se sentent pas proches de ces mouvements écologistes qui, eux, sont plutôt à gauche. Et c'est vrai que le pouvoir actuel a tendance à peut-être davantage écouter ces nouvelles organisations écologiques qui sont arrivées récemment que d'écouter les anciens, en quelque sorte, d'écouter les vieilles organisations paysannes type FNSEA, etc. Et donc, ces organisations ont le sentiment qu'elles ont été négligées. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ressent au niveau national et qu'on perçoit aussi dans Lyon. Les gens de la ville, eh ben, en fait, il y en a une barrière entre la ville et la campagne. Parce que souvent, les gens de la ville, eh ben, bah, ils restent à la ville. Souvent, ils restent enfermés dans leur ville. Comme nous, on peut rester enfermés à la campagne. Et du coup, il y a un gros manque d'informations. Et certains, ceux qui veulent nous critiquer, bah, faut qu'ils s'informent sur des vraies sources. Et après, ils pourront avoir un meilleur jugement et essayer de nous comprendre. Et c'est pour ça que même moi, par rapport même aux hommes politiques, ou même aux femmes, je trouve qu'ils devraient être aussi plus proches de l'agriculture pour nous comprendre, parce que c'est bien beau de faire des réformes sur tout et n'importe quoi. Par exemple, là, récemment, sur les betteraves, mais là, ce qu'ils savent pas, c'est que les réformes qu'ils font en un claquement de doigts, ça va engendrer la mise en difficulté de plein d'agriculteurs, et eux, ils vont pas s'en rendre compte. Pour eux, ils vont penser faire une bonne action pour la planète et tout, alors que ça met en difficulté plein d'agriculteurs. Et du coup, ça va faire diminuer la production betterave. Et après, on va se plaindre qu'on est obligé d'importer des produits. Et au final, on va manger encore moins français. Et moi, je suis pas content. Parce que j'ai pas envie de manger des produits qui viennent de Tataouine-les-Bains. Donc moi, ça me plaît pas. Moi, je veux manger des trucs français qui viennent de par chez moi, quoi. Ouais, du local. Ouais, parce que les Parisiens, ils s'en foutent un peu de la France maintenant. Ils s'en foutent de la ruralité de la France. Qui ça ? Les Parisiens. Mais non, les citadins, pour que les Parisiens... Ouais, bon, bah, les citadins. Par exemple, en magasin, ils vont voir des trèfles. Des trèfles, c'est des patates. Puis il y aura écrit... un autre pays qui est écrit dessus. Et hop, c'est moins cher, du coup on va acheter. Puis du coup, ils mangent mal, quoi, parce que c'est pas... Je vais pas dire l'expression, mais ils mangent de la... Voilà, quoi. À l'époque, le principe, ils avaient des sous, c'était pour manger. C'était le principe de manger, ils voulaient pas mourir de faim. Aujourd'hui, plus ça va, ils ont de l'argent, ils vont pas le... principalement le mettre dans de la nourriture, de la vraie nourriture française. Leur principe, c'est de partir en vacances. Pour eux, que ça vienne de n'importe où, ils s'en foutent. Ils s'en fichent, quoi. Il faut qu'ils partent en vacances. Donc, il faut qu'il leur reste de l'argent pour partir en vacances. Et le principe, eux, c'est pas de manger français, c'est de... c'est de payer le moins cher. Des parkings, ils vont en faire des parkings, ça va venir par la nationale. Des parkings pour les Parisiens, ils viendront de loin, du nord et du sud, gareront leur voiture ici et prendront le train pour aller au travail. Pour aller travailler à Paris. La Parisienne de notre rue, c'est une pionnière. Faut surtout pas lui parler. C'est mon seul conseil. Sinon, t'as raison de pas vouloir apprendre à travailler la terre. Comme moi. Ce qu'il leur faudra plus tard aux Parisiens, c'est des gardiens de parking et des faiseurs de lignes blanches. De toute façon, ça fait longtemps qu'ils bouffent plus ce qu'on leur cultive. On dirait qu'ils bouffent plus rien. Ou du bio, ou de l'étranger, du chinois. C'est ça la terre de chez nous. La bonne terre grasse, elle les intéresse plus. Ils veulent des parkings français et de la bouffe chinoise. 7-7, Marin Fouquet. Benoît Coquart est sociologue et travaille sur les classes populaires vivant en milieu rural. Quand on parle de ruralité depuis la ville, on parle beaucoup d'agriculture, d'agriculteurs en tout cas. Bon, les agriculteurs, c'est entre 5% et 5% de la population rurale à peu près. Et voilà, il y a ce biais-là. Pourquoi aussi ? Parce que la campagne, elle est un petit peu figée en dehors de l'histoire finalement. Il y a eu beaucoup de travaux d'anthropologues, dits folkloristes, qui voyaient ça comme une civilisation de jadis appelée à disparaître. Et je pense que ça a beaucoup infusé dans les médias, dans le champ politique aussi, sur l'idée que la campagne, c'était la terre, l'ancrage. C'était l'idée que la civilisation rurale, telle qu'elle était définie, était appelée à disparaître, que la modernité allait tout emporter avec elle et que la France allait devenir un grand territoire urbain aussi. Ouais. Cette représentation folkloriste, elle va jusqu'à quand ? À peu près jusqu'à la fin des années 70, on va dire, que le mythe commence un peu à s'égratiner. C'est, bon, il y avait déjà eu des critiques auparavant. Mais en tout cas, c'est l'idée que il y aurait notamment tout un ensemble de rites, de traditions qui seraient un peu immuables comme ça et qui viendraient organiser la vie rurale, que la vie aussi s'organiserait à l'échelle de la communauté villageoise, c'est-à-dire que la communauté villageoise serait une métonymie comme ça de toute la société rurale et qu'on y vivrait, que ça serait l'alpha et l'oméga finalement de la vie des gens. Voilà, tout ça a été peu à peu critiqué parce que dans les faits, ça n'existait déjà plus depuis pas mal de temps. Voilà, la ruralité, elle est en fait très interdépendante du développement des villes. Elle est très impliquée en fait par les enjeux de mondialisation, je veux dire les emplois industriels, les relations avec le développement urbain, tout ça en fait, les grands phénomènes macroéconomiques, ils impactent toujours la vie rurale. C'est pas des petits isolats comme ça qui seraient en dehors de l'histoire. Est-ce que vous suivez la politique ? Ouais, un petit peu, oui. Oui, ouais. Un peu. C'est parce que un sujet qui m'intéresse. Pas tout ça, toutes les infos, les machins. Jamais, on va chez nous, on peut ouvrir la télé pour regarder les infos. C'est pas ce qui nous intéresse. Déjà, il faut que ce soit la leur. Un coup sur deux, il n'y a pas. Et puis, ça ne nous intéresse pas. C'est pas un truc qui va nous intéresser. Politique. Oui. En fait, ce qu'ils racontent, des fois, ils disent des choses que c'est pas forcément des vraies informations. C'est ça qui nous... On veut pas entendre, donc regarde pas, puis ça va plus. Je trouve qu'on est quand même un peu oublié, quoi. On centralise tout autour de la ville, et puis on oublie un peu la campagne, quoi. Bah, je sais pas trop comment expliquer, mais bon, on n'en parle pas souvent. De la campagne. Par exemple, je pense où, quand il y avait les élections, on avait reçu un papier dans la boîte aux lettres des présidents, de ceux qui se présentaient du moins. Et Marine Le Pen, c'était la seule qui parlait des agriculteurs. Elle disait qu'on faut penser aux agriculteurs qui nous nourrissent tous les jours, qui produisent du local, qui viennent de la France, tout ça. Puis après, je sais plus trop ce qu'elle disait dans son discours, mais j'avais été attiré par ce discours. Benoît Coquart. Quand on a commencé à se rendre compte que la progression très importante du vote pour l'extrême droite était très ancrée dans les mondes ruraux, Et ensuite, voilà, il y a eu l'effet gilet jaune où on a vu ces populations-là. Et c'est devenu de plus en plus compliqué pour un politicien, une politicienne, de dire je veux parler à la jeunesse des quartiers, on va dire, et de la ruralité, ou de la France périphérique, comme ils aiment beaucoup dire. C'est-à-dire qu'on a conscience que c'est aussi potentiellement une question sociale, qu'il y a des problèmes spécifiques qui se posent aux jeunes ruraux. Et aussi, on a très envie, dans toute une partie du champ politique, de les définir comme la vraie jeunesse à défendre. Notamment pour l'opposer à une autre, pour l'opposer à la jeunesse des banlieues. D'un côté, il y aurait les jeunes bien de chez nous, bosseurs, etc. Et de l'autre, les jeunes issus de l'immigration, qui seraient un petit peu l'exact inverse de ceux qui seraient invisibilisés et oubliés. Tout ça, évidemment, ça sert des ambitions politiques. C'est plutôt la question de la France des oubliés, la France des invisibles. C'est un vocable qui est parti de l'extrême droite, hein. Qui a été un moyen, notamment pour le Front National à l'époque, de renouer avec la question sociale, mais qui a été très largement repris aujourd'hui par le champ politique, notamment via le succès de la notion de France périphérique, qui explique qu'en gros, la société française, elle est structurée par une opposition entre les zones éloignées des grandes villes et la grande ville, notamment Paris, qui concentre les populations que, dans ces théories-là, on appelle les bobos, qui auraient, d'une certaine manière, tous les avantages liés aux politiques publiques, au développement économique, tandis que les populations laborieuses, besogneuses, elles seraient les grandes oubliées, en fait, du développement. Et il y a un vrai enjeu, aujourd'hui, d'aller chercher... des votes ruraux, des électorats ruraux, donc les jeunes ruraux, ils sont pris, en fait. La manière dont on parle des jeunes ruraux, c'est pris, en fait, dans cette grande boule de neige-là, où il faut se réclamer toujours d'avoir, notamment quand on est un candidat au présidentiel, là, on l'a beaucoup vu, d'avoir un grand-père paysan, en fait, comme les trois quarts des Français, d'avoir au moins un pied dans la terre, et pas de se présenter comme un énarque parisien qui ne se rendrait pas, voilà, en province. Tout ça, c'est des enjeux un petit peu de présentation de soi et de jeu des images sociales, quoi, qui nous disent peu, en fait, des évolutions concrètes de ce que sont les jeunes ruraux, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus on les décrit comme invisibles aujourd'hui, c'est vraiment la tarte à la crème, quoi. Les jeunes invisibles, les jeunes oubliés, on va aller à leur rencontre, ils sont de moins en moins invisibles et oubliés d'une certaine manière, quoi. Marine Le Pen, elle est plus pour les agriculteurs que pour le monde urbain. C'est ça qui est bien. Elle soutient les agriculteurs, Marine Le Pen. Comment tu sais ? J'ai vu ça sur les médias. Elle voit bien qu'il y a un problème au niveau de l'agriculture en France. Qu'au niveau des marges ou du prix, l'agriculture en général est en faillite un peu. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle va directement au contact des agriculteurs. Donc elle discute avec eux, elle met des engagements, on va dire. Comment ça ? Bah, par exemple, pour aider les agriculteurs à pouvoir se verser un salaire. Mais tu l'as vu, toi ? Passer aux infos pour les élections présidentielles. Elle est passée en Bourgogne-Franche-Comté chez un agriculteur. Donc elle est passée, elle a vu les misères que c'est, comme quoi maintenant les cultures ou le bétail ne rentabilisent plus, voire pas, et que ils se versent même plus un salaire. Bah, je pense que moi, la politique, quand même, en général, c'est des très beaux parleurs, mais... Ils proposent des idées qui seront, par exemple, jamais reflétées ou reprises durant leur présidentielle ou leur vie, tout simplement. Sauf Marine Le Pen. Oh, Marine Le Pen, elle est comme les autres aussi. On ne sait pas, ça se trouve, elle serait passée présidente aussi, mais tout ce qu'elle a dit, elle ne l'aurait peut-être pas fait, on ne le sait pas. Jean-Vincent Olimbre. C'est un problème, je dirais, assez classique en France qui concerne les effets de la centralisation étatique sur les comportements politiques. C'est quelque chose qui est très ancien et qui tient à l'organisation politique du pays et qui conduit à une sorte d'opposition entre le peuple et les élites. Et ce qui a conduit d'ailleurs à plusieurs crises importantes dans l'histoire politique française. Et il est vrai que Marine Le Pen a su tirer profit de cette situation, mais d'autant plus fortement qu'elle n'a jamais eu à exercer le pouvoir. Ça aussi, c'est un élément important. C'est-à-dire que c'est très facile, entre guillemets, de tenir un discours consistant à dire « Paris ne vous écoute pas » quand on n'a soi-même jamais exercé des responsabilités au niveau national, des responsabilités importantes. Et donc, il y a aussi dans le discours de ces jeunes, eh bien, on peut tester en fait ce qui n'a jamais été testé parce que ça peut pas être pire. Mais en réalité, cette question de la centralisation, elle se posera avec tout le monde, quel que soit le gouvernant. C'est une question de culture politique. C'est-à-dire que la France a un problème avec la décentralisation, avec le fait de répartir le pouvoir entre le pouvoir central, le pouvoir, l'État central et les régions et les départements. Et finalement, on n'a jamais eu autant de lois de décentralisation et le contrôle national n'a jamais été aussi fort. Donc, une sorte de paradoxe français où on veut décentraliser et où en fait, on ne fait pas confiance aux collectivités territoriales pour gouverner. C'est vrai que la perception des jeunes professionnels, c'est la perception d'un pouvoir qui est non seulement aveugle, mais qui est invisible, en quelque sorte, ou alors qui est à distance des réalités locales. Peut-être Marine Le Pen, elle est plus concentrée, entre guillemets, sur l'agricole. Après, Emmanuel Macron, on va dire qu'il est plus concentré sur l'urbanisme, sur les villes, sur la richesse. Sur la retraite. Aussi. Si on regarde les vidéos de la campagne qui passait à la télé, on voyait Marine Le Pen sur un fond plutôt dans la campagne. Et Emmanuel Macron, il a fait sa vidéo, lui, en pleine ville, quoi. Donc ça prouve qu'il y a... Enfin, quelle est la priorité des deux, quoi. Bah, c'est sûr, moi je vis dans la campagne, donc je me sens plus représenté dans une vidéo qui se passe en campagne qu'en ville. Qu'est-ce que vous auriez voté ? Marine Le Pen. Je pense à mon avis que pour tout le monde qui est ici, on aurait voté Marine Le Pen. La ruralité, elle a joué un bon petit rôle, je pense, pour le deuxième tour. Déjà, il y a eu beaucoup de personnes qui ont voté, s'il me semble bien. Et je pense que la France, là, elle est en train de tourner une nouvelle page au niveau politique. C'est-à-dire ? Bah, je pense que ça va faire trois décennies, je crois, trois quinquennats, ça se dit comme ça, que c'est de gauche. Et je pense que du coup, ça va changer de côté, passer peut-être plus vers la droite aux prochaines élections. Mais je pense que, par exemple, par rapport au mandat de Mélenchon, ou qui veut donner de l'argent à tout le monde. Bah, je pense pas que ça soit une bonne idée, parce que du coup, il y aura plus d'immigration, il y aura plus de personnes qui voudront rentrer en France juste pour toucher ça et vivre une vie, alors que certains Français touchent pas ça et sont à la rue. Et même au niveau du chômage, il y a quelques personnes, ils préfèrent travailler 6 mois et après se mettre au chômage, parce qu'ils gagnent plus être au chômage que gagner en travaillant. Je pense aussi aux chefs d'entreprise agricole qui, eux, il y a certains qui ne versent même pas de salaire, quoi. Alors qu'il y en a qui, dans la ville, sont là dans leur canapé et puis. Voilà, ils ont des sous à être sur leur canapé, quoi. T'en connais, toi ? Oui. Non, mais moi j'ai vu des reportages. Je trouve que je suis pas d'accord que. Tout le monde rentre comme dans un moulin dans la France. Si les gens viennent là, bah c'est pour bosser ou c'est pour apporter quelque chose à la France et pas la modifier. Moi, je pense que la France, faut qu'elle reste authentique et pas qu'elle soit modifiée n'importe comment par n'importe qui. Je pense que... Bah... Il y a des gens où... Bah, je suis pas trop d'accord avec eux. Ils ont une vision un peu... du monde un peu... un peu trop égal et ça me plaît pas trop. Bah, je parle des gens de gauche. J'aime pas trop ça. Bah, ils vont privilégier l'égalité à la liberté alors qu'il y a des gens qui vont se l'amener dur pour bosser et bah au final qui vont tout reverser à des gens qui bossent pas. Ouais, alors ça, la figure du cassos. Du cas social, c'est une catégorie à la base qui vient d'en haut. C'est-à-dire le cas social, c'est quelque chose qui est du vocable institutionnel à la base. Benoît Coquart. Mais qui va servir à identifier des groupes de la population. Et il me semble que dans tous les espaces où il y a une forte interconnaissance, il y a toujours, et c'est généralement aussi des espaces où voilà, on va être plutôt soit dans les quartiers populaires, soit dans les campagnes populaires. C'est généralement des espaces où il y a la figure repoussoir du chômeur qui a commencé à s'installer. Moi, ce que j'ai remarqué, j'ai enquêté dans plusieurs campagnes en déclin, mais en fait, à mesure que j'allais dans des espaces qui étaient marqués par les désindustrialisations, marqués par l'idée d'un c'était mieux avant, marqué par l'idée que ben voilà, le chômage avait augmenté, bon, l'idée qui est généralement vraie, hein, les gens connaissent la réalité sociale qui les entoure de proches, ben, en fait, plus on allait vers les espaces où il y avait moins d'emplois, plus le fait d'être au chômage était stigmatisé. C'est-à-dire que c'est une insulte qu'on se renvoie de proche en proche par une forme un peu de distanciation mutuelle, c'est-à-dire qu'on est toujours le cassos de quelqu'un. Il y a toujours l'assisté du coin et qui lui-même va vous critiquer les cassos. Moi et d'autres chercheurs, on a constaté que parmi les populations les plus précaires, il y avait souvent un recours en fait aux arguments de l'extrême droite pour justement critiquer cette idée des cas sociaux, des assistés qui profiteraient toujours des aides sociales, alors que soi-même on est étiqueté comme un cas social dans l'espace dans lequel on vit, dans l'espace local. Mais on renvoie en fait le stigmate sur d'autres pour aussi un petit peu s'en départir. Et c'est en fait une espèce de réaction en chaîne comme ça. C'est un véritable capital symbolique, si vous voulez, que de pouvoir revendiquer d'être du côté de ceux, d'être ceux qui travaillent le plus vis-à-vis en fait d'autres. Et c'est quelque chose qui est très fort chez les jeunes, parce qu'en fait, ils sont dans une période où ils ont tendance à être un peu... Les jeunes pensent un peu pareil que leurs parents, mais de manière plus radicale, de manière générale. En fait, c'est ça, la jeunesse. Est-ce que ça vient aussi du fait que ces jeunes voient leurs parents écrasés de travail sans parvenir à se verser un salaire ? Il faut voir de quel agriculteur on parle. Je pense qu'agriculteur, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Vraiment, entre l'éleveur, qui est dans une filière en crise, qui a de grandes dettes, qui a des énormes amplitudes de travail, le petit maraîcher, enfin voilà, tout ce type d'agriculture-là, qui aujourd'hui est en crise, qui est très mal rémunéré, alors même qu'elles sont essentielles, et certaines exploitations dues à la grande concentration des terres agricoles, parce qu'il y a des agriculteurs qui s'en sortent très bien, notamment quand on est sur des campagnes céréalières, sur des grosses exploitations. On retrouve notamment au niveau des patrimoines, les plus gros patrimoines localement ont tendance à être ceux des agriculteurs. Il y a eu des enquêtes notamment faites ici sur les banques en milieu rural. On voit que les plus gros comptes en fait sont ceux des agriculteurs qui investissent beaucoup ailleurs. Donc ça c'est une partie de l'agriculture. Et dans les espaces ruraux, l'agriculteur parfois c'est, enfin moi en tout cas ceux dans lesquels je travaille, des campagnes en déclin, l'agriculteur vis-à-vis des ouvriers, c'est quelqu'un qui est dominant. C'est quelqu'un qui est mieux loti économiquement, etc. Alors ça va faire bondir peut-être plein d'agriculteurs qui galèrent, mais je sais qu'il y en a plein qui galèrent, mais n'empêche qu'il y en a aussi qui ont des gros patrimoines. Et je pense que c'est important si on veut parler justement de la ruralité et de pas en faire un bloc homogène, il faut aussi dire qu'au sein d'un même espace rural, il y a des dominants et des dominés. Et dans la jeunesse, il y a vraiment des jeunes qui, quand ils parlent, les autres se taisent, notamment quand ça parle politique. Parce qu'il faut être dans le moule, parce qu'il faut se conformer aux autres pour ne pas être traité de cassos. Justement, moi j'avais des jeunes qui me disaient, moi tu sais, moi je suis bien de droite. Et ils le disaient devant des enfants d'agriculteurs céréaliers, devant des enfants de patrons du bâtiment, etc. Et puis après, quand on faisait un entretien à la maison, ils disaient, tu sais, en fait je vote pas, je m'en fous de la politique. Et puis à la limite, moi les mesures qui m'intéressent, c'est plutôt qu'ils augmentent le chômage. Enfin voilà. Mais il dit, ici, si tu commences à dire ça, tu vas être traité de cassos. Donc en fait, tu ne peux pas soutenir ce point de vue-là publiquement. Parce que sinon, ça t'ostracise vis-à-vis des sociabilités, vis-à-vis de ta bande de potes. Et ils savent que non seulement avoir des potes, ça te permet de passer des bons moments, etc. Mais aussi que c'est nécessaire pour eux, pour avoir du boulot, pour pas être, pour pas être mis sur la touche, quoi. Jean-Vincent Olimbre. Lorsqu'on parle de Lyon dans les médias, c'est pour décrire des devantures de magasins qui sont fermés, des centres-villes désertés, de la très grande pauvreté, de la déshérence en réalité. Il ne s'agit pas de dire que ça n'existe pas. Bien sûr que ça existe, mais le département n'est pas réductible en quelque sorte à l'image qui est donnée de lui le plus souvent. C'est un département qui, par exemple, est très actif sur le plan culturel. Auxerre, par rapport à la taille de la ville, est très, très vivante sur le plan culturel. Et donc, c'est vrai que les médias ont tendance à mettre l'accent sur les problèmes de cette France qui souffre et qui est reléguée. Et donc ça va aussi amplifier peut-être le sentiment de ces jeunes électeurs qui vont voter le Rassemblement National. Vous considérez qu'on est des moins que rien, vous considérez qu'on est des relégués. Non, c'est pas vrai. Et on va redresser la tête en votant pour une candidate qui défend la fierté, en quelque sorte, nationale. On voit bien qu'aujourd'hui, les jeunes vont se reporter sur deux candidats, sur la dernière élection, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui sont des candidats qui, à un moment donné, vont dire « il faut retourner le stigmate, en quelque sorte ». Ça va s'exprimer différemment. Les deux électorats sont évidemment très hétérogènes. Mais c'est frappant de voir que chez les jeunes, ce discours de la fierté, d'une fierté retrouvée, d'un honneur retrouvé, c'est quelque chose qui est très fort. Là où les candidats comme Emmanuel Macron vont davantage mettre l'accent sur l'insertion de la France dans la mondialisation, la start-up nation, etc. Discours qui ne parle pas du tout à cet électorat populaire. Aux prochaines élections, j'aurai 20 ans, je crois. 19. Ou 19. Je me suis fait mes petites idées. Après, peut-être que mon opinion changera, parce qu'il y a encore 3 bonnes années avant les prochaines élections. Donc, en 3 ans, le monde, il a le temps de changer. Mais moi, je sais pas, Marine Le Pen, je sais pas, je me reconnais. Enfin, je me reconnais pas, mais il y a beaucoup de points où je suis d'accord avec elle. Et je me souviens que dans ses discours, elle essayait de montrer que elle soutenait le monde agricole. Enfin, en allant faire des interventions auprès des agriculteurs, d'être à leur écoute, de savoir qu'est-ce qu'il fallait changer. Enfin, c'est comme ça que ça marche, c'est d'être à l'écoute, c'est de voir comment pensent les gens et pas d'être président et de se sentir le roi du monde et tout penser de son côté. Il ne faut pas s'étonner quand on voit en quelque sorte la défiance qui est croissante entre les partis de gouvernement et les électeurs. Et qu'on voit aussi qu'au fond, depuis plusieurs mandats, il y a un sentiment d'échec. Nicolas Sarkozy, qui avait pu être confortablement élu, n'a pas été réélu et a suscité la déception, y compris dans son camp. François Hollande n'a même pas été en situation de se représenter. Et Emmanuel Macron a été réélu, mais dans quelles conditions? C'est-à-dire, finalement, en faisant le jeu du Rassemblement national et en faisant monter, en quelque sorte, ce sentiment contestataire dans le pays. Ce qui lui a permis, en quelque sorte, de contenir la montée de la gauche. Et donc, parce que Marine Le Pen, jusqu'à présent, a été confrontée au fait qu'elle ne peut pas s'allier à qui que ce soit. Et donc, ça a été aussi un calcul de la part d'Emmanuel Macron d'affronter Marine Le Pen. Mais à quel prix? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on est dans une situation où probablement le Rassemblement national n'a jamais été aussi près du pouvoir, parce que non seulement l'adhésion a augmenté, mais en plus, le parti est devenu quasiment un parti de gouvernement, un parti qui s'est notabilisé, qui porte une voix qui n'est plus simplement une voix de contestation, mais aussi une alternative politique. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé lors de la dernière élection. Oui, quand on a causé pour l'élection, à l'époque, c'était il y a un an, mais c'était tard l'époque. Non. Puis même quand Macron il était élu pour la première fois, on a causé tous ensemble. Et donc vous êtes tous plus ou moins d'accord, là, votre génération, autour de Marine Le Pen nous représente. Aussi, on est trop jeune pour dire. On est trop jeune pour tout savoir aussi. Ouais. Mais on a une petite opinion quand même sur elle. Donc on arrive à se construire une pensée. Ouais, voilà, c'est ça. Aux dernières élections, vous auriez eu le droit de vote. Vous auriez tous voté pour Marine Le Pen. Oui, je pense. Et vous pensez que c'est le cas chez tous les jeunes agriculteurs comme vous? Pas tous. Chacun a son avis. Hein. C'est vachement... déjà, c'est quelque chose qui est intime. Après, c'est suivant comment les gens pensent de... Il y aura une majorité, oui, je pense. Pour Le Pen. Chez les jeunes. Chez les jeunes, je pense. Chez les jeunes agriculteurs. Après, ça dépend. Pas tous, mais à peu près moitié, je pense. avec Louis, Émilien, Dorian, Antoine, Grégoire, Timéo, Gabin, Benoît Coquart, Jean-Vincent Olindre. Merci à Damien Fénard, Brigitte Costaz, les élèves et l'équipe pédagogique du lycée agricole de La Brosse. Lecture, Gabin. Prise de son, Yann Frécy et Geoffrey Marianne. Mixage, Sébastien Royer. Documentation, Anne-Lise Signoret. Attaché d'émission, Marie-Vonne Abolivier et Anaïs Morales. Coordination, Perrine Kerfranc. Le complexe rural, premier épisode, Grandir à la ferme. Un documentaire de Pauline Mocor, réalisé par Gaëlle Gillon.